transition. Robert de Boron nous avait averti, dans les derniers vers de Joseph d'Arimathie, qu'il laissait les branches de Bron, d'Alain, de Pétrus et de Moïse, promettant de les reprendre quand il aurait pu lire le roman nouvellement publié du Saint Graal. Ce roman nous a donné la suite des récits commencés par Robert. On y trouve en effet la conclusion des aventures de Pétrus, d'Alain et de Bron. Ce qui s'y voit ajouté au conte de Moïse nous prépare à ce qu'on en devra dire à la fin du Lancelot. Que Boron ait continué son poème sur les mêmes données ou qu'il ait renoncé à le continuer, peu nous importe. Il n'aurait pu que suivre la ligne tracée par l'auteur du Saint Graal. Ainsi, d'un côté, il a pu renoncer à l'espèce d'engagement qu'il avait pris, de l'autre, on conçoit le peu de soin qu'on aura mis à conserver la suite de ses premiers récits s'il les avait en effet continués. En attendant que ce livre du Graal lui tombât entre les mains, Boron s'attacha à une autre légende, celle de Merlin. Pour la composer, il n'avait pas besoin du Saint Graal. Il lui suffisait d'ouvrir le roman de Brut de Notre Vasse. J'ai déjà fait remarquer que Boron citait plusieurs fois le Brut et nulle part l'Historia Brittonum. De là l'induction qu'il ne connaissait pas le texte latin et qu'il écrivait son livre en France. Traducteur de l'Historia Brittonum de Geoffroy de Monmouth, et de laisser sur cette première donnée un peu de champ libre à son imagination. Il écrivit encore ce livre en vers, comme la suite du Joseph d'Arimathie. Nous n'avons conservé de cette continuation que les 500 premiers vers. Le temps a dévoré le reste. Mais comme nous avons déjà dit, l'ouvrage entier fut heureusement réduit en prose vers la fin du XIIe siècle, fort peu de temps après la publication du poème. Et les exemplaires nombreux tirés de cette habile réduction suppléent à l'original que l'on n'a pas retrouvé. Le Merlin finit avec le récit du couronnement d'Artus. On l'a prolongé dans la plupart des copies qui nous restent jusqu'à la mort du héros breton. Ainsi, de deux ouvrages composés par deux auteurs, on a fait l'œuvre unique d'un seul auteur. C'est aux assembleurs du XIIIe siècle qu'il est juste de faire remonter cette confusion. Ce qu'ils ont appelé la seconde partie du Merlin doit porter le nom de roman d'Artus et ne peut être de Robert de Boron. Il nous sera facile de le prouver. Premièrement, Robert de Boron, après avoir raconté le couronnement d'Artus, reconnu par les rois et barons feudataires pour fils et héritier d'Uther Pendragon, après l'avoir fait sacré par l'archevêque Dubricius et couronné par les rois et barons, conclut par ces mots. Ainsi fut Artus élu et fait roi du royaume de l'Ogre, éteint la terre et le royaume longuement en paix. Mais au début de l'Artus, dont la première laisse suit immédiatement la dernière du Merlin, nous voyons les rois feudataires indignés d'être convoqués par un roi d'aventure qu'ils ne reconnaissent pas pour le fils du Terpin-Dragon et qu'ils n'ont pas couronné. En conséquence, ils lui déclarent une guerre à mort. Est-ce le même auteur qui, d'une ligne à l'autre, se serait ainsi contredit? Deuxièmement, Robert de Boron avait promis, en finissant le Joseph d'Arimathie, de reprendre la suite des aventures d'Alain le Gros, quand il aurait lu le grand livre du Graal, où elle devait se trouver, et où elle se trouve effectivement. Le Saint Graal avait paru dans le temps même où il achevait le Joseph. Il avait donc pu le lire pendant qu'il écrivait le Merlin. C'est pourquoi, se trouvant alors en état d'acquitter une partie des promesses qu'il avait faites, il finit le Merlin par ces lignes qu'un seul manuscrit nous a conservées. « Éteint le royaume longtemps en paix. Et je, Robert de Boron, qui s'est livré retrait, ne dois plus parler d'Artus, tant que j'ai parlé d'Alain, le fils de Bron, et que j'ai devisé par raison pour quelle chose les poignes de Bretagne furent établies. Et ainsi, comme les livres le recontent, me convint à parler et retraire qu'est-ce homme fut Alain, et quelle vie il mena, et qu'est-ce war voici de lui, et quelle vie si war menèrent. Et quand tant sera élu, et je aurai de celui parler, s'y reparlerai d'Artu, et prendrai les paroles de lui et de sa vie à sélection et à son sacre. » Manuscrit numéro 747, folio 102. La branche d'Artus, dans quelques manuscrits, comme le numéro 370, ouvre le volume. Dans d'autres, comme le 747, elle est franchement séparée du Merlin, dont les dernières lignes emploient seules le haut du verso précédent. Dans d'autres, une grande initiale en marque assez bien la séparation. Mais ailleurs encore, les deux parties ne sont pas même distinguées par un alinéa. Après les derniers mots, il continue, et après la mi-août, que l'Iroi Artus fut couronné, tint l'Iroi court, grand et merveilleux. La main des assembleurs est facile à reconnaître dans cette fusion arbitraire. Ces lignes, que les assembleurs ont senti la nécessité de supprimer, appartenaient évidemment à la première rédaction en prose du poème de Merlin et répondent au dernier vers perdu de ce poème. Mais au lieu de trouver après le Merlin, comme l'annonçait Robert de Boron, cette histoire d'Alain et de sa postérité, nous passons aujourd'hui sans intermédiaire au récit des guerres soulevées par les barons aussitôt après le couronnement d'Artus. Voici la conclusion à tirer de ce double rapprochement. 1. Robert de Boron n'a pas eu de part au livre du Saint Graal, écrit dans le temps même où il composait le Joseph d'Arimathie. 2. Après avoir pris connaissance du Graal, il eut l'intention de continuer, sinon les histoires de Bron et de Pétrus, au moins celles d'Alain le Gros. 3. Les assembleurs, trouvant l'histoire d'Alain suffisamment éclaircie dans le Graal, ont laissé de côté la rédaction poétique qu'en avait faite Robert de Boron. Ils y ont substitué le livre d'Artus, qu'ils se contentèrent de raccorder tant bien que mal au livre de Merlin pour en devenir la continuation. Ainsi, le livre qu'on appelle aujourd'hui le roman de Merlin contient deux parties distinctes. La première, qui seule doit conserver le nom de Merlin, est l'œuvre réduite en prose de Robert de Boron. La seconde, dont le vrai nom est le roman d'Artus, sort d'une main anonyme, peut-être la même à laquelle on devait déjà le Saint Graal. J'ai si longtemps hésité avant de m'arrêter à ces conclusions qu'on me pardonnera peut-être d'y revenir à plusieurs reprises, comme pour mieux affirmer le résultat de mes recherches successives. Je n'ai pas dissipé tous les nuages, éclairci toutes les obscurités, mais ce que j'ai découvert, je crois l'avoir bien vu. Et si je ne me suis pas trompé, c'est un pas de plus fait sur le terrain de nos origines littéraires. Le magnifique début du Merlin se lie à l'ensemble de la tradition et des croyances bretonnes. Pour justifier l'autorité des prophéties attribuées à ce personnage, il fallait reconnaître à leur auteur une nature et des facultés supérieures à la nature et aux facultés des autres hommes. On n'osa pas mettre Merlin en commerce direct avec Dieu et le placer sur la même ligne que les Daniel et les Isaïe, mais on admit, d'un côté, que le démon avait présidé à sa naissance, de l'autre, qu'il avait été purifié de cette énorme tâche originelle par la piété, l'innocence et la chasteté de sa mère. C'est à Robert de Boron que nous croyons pouvoir accorder l'honneur de cette belle création de la mère de Merlin, pure, humble et pieuse, telle que la Vierge Marie nous est elle-même représentée. Fils d'un ange de ténèbres, ennemi des hommes, Merlin aurait dû plutôt venir en aide aux méchants, aux oppresseurs de son pays. Il n'eût pas connu les secrets de l'avenir, car ainsi que l'avait fait remarquer Guillaume de Newburgh, les démons savent ce qui a été, non ce que l'avenir réserve. Mais la mère de Merlin, victime d'une illusion involontaire, ne devait pas être punie dans son fils. Dieu donna donc à Merlin des facultés supérieures qui, formant une sorte d'équilibre avec celle qu'il tenait de son père, lui permirent de distinguer le juste et le vrai, en un mot, de choisir entre la route qui descendait à l'enfer et celle qui montait au paradis. On pouvait donc, sans offenser Dieu, croire à ses prophéties, et la Bretagne pouvait l'honorer comme le plus zélé défenseur de son indépendance. C'est ainsi que le démon qu'il avait mis au monde pour en faire l'instrument de ses volontés vit tous ses plans déjoués et n'en recueillit qu'un nouveau sujet de confusion. De cette première création, l'imagination poétique de la race bretonne a su tirer un admirable parti. Merlin a non seulement la connaissance parfaite de l'avenir et du passé, il peut revêtir toutes les formes, changer l'aspect de tous les objets. Il voit ce qui peut conduire à l'heureux succès des entreprises. Il est naturellement bon, juste, secourable. Cependant, le démon ne perd pas tous ses droits. Merlin ne peut surmonter les exigences de la chair. Il ne commande pas à ses sens. Il a, pour les faiblesses de ses amis, des prévenances qu'il serait impossible de justifier. Lui-même est tellement désarmé devant les femmes que, tout en voyant l'abîme dans lequel Viviane veut le plonger, il n'aura pas la force de s'en détourner. J'ai dit que Robert de Boron avait trouvé dans Geoffroy de Monmouth les éléments du livre de Merlin. Quelle énorme distance cependant entre les récits du moine bénédictin et la grande scène par laquelle va débuter le romancier français. scène toute biblique, que seront heureux d'imiter les plus grands poètes des trois derniers siècles, les Tasse, les Milton, les Goethe et les Klopstock. Aucun d'eux cependant ne connaissait peut-être l'œuvre qui les avait devancés. Mais quand une forme est introduite dans l'expression et le développement des sentiments et des idées, c'est un nouvel élément de conception mis à la portée de tous. Et ceux qui ne dédaignent pas de s'en servir n'ont pas besoin de connaître celui qui l'a pour la première fois employé. D'ailleurs, le début du Merlin doit beaucoup lui-même au premier chapitre de Job et au beau verset dialogué de la liturgie pascale. Attolite portas, principes vestras, quis est ister ex gloriae. Versets eux-mêmes empruntés à l'évangile apocryphe de Nicodème. Le début du Merlin était déjà préparé dans les premières lignes du Joseph. On y voit le péché originel brouiller l'homme avec la justice divine et nous rendre la propriété inévitable du démon si Dieu ne consent à s'offrir lui-même pour notre rançon. Arrêtons-nous et laissons la parole à Robert de Boron.